Le régiment campa près d'un mur en ruine. On voyait des tombeaux autour d'un vieux clocher. Bennigsen ne savait qu'une chose, approcher et fuir. Mais l'empereur dédaignait ce manège. Et les plaines étaient toutes blanches de neige. Napoléon passa, sa lorgnette à la main. Les grenadiers disaient: ce sera pour demain. Des vieillards, des enfants pieds nus, des femmes grosses se sauvaient. Je songeais, je regardais les fosses. Le soir, on fit les feux. Et le colonel vint. Il dit: Hugo, présent. Combien d'hommes? 120. Bien. Prenez avec vous la compagnie entière et faites-vous tuer. Où? Dans le cimetière. Et je lui répondis: c'est en effet l'endroit. J'avais ma gourde, il but et je bus. Un vent froid soufflait. Il dit: la mort n'est pas loin. Capitaine, j'aime la vie et vivre est la chose certaine, mais rien ne sait mourir comme les bons vivants. Moi, je donne mon cœur, mais ma peau, je la vends. Gloire aux belles, trinquons. Votre poste est le pire. Quand notre colonel avait le mot pour rire.